Donc on commence. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 130 la lecture du livre de Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Aujourd'hui c'est le cours 131 et on commence le chapitre 55, et le titre de ce chapitre, c'est « Babun la yuraddu man sa'ala billah », c'est-à-dire, on n'a pas le droit de refuser à celui qui nous demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un dit par exemple « je te demande par Allah » ou « as'aluka billah », dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui refuser, puis on va voir les détails de ça. Le cheikh il dit « عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه رواه أبو داود والنسائي. Donc le hadith ici, c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui. Et celui qui cherche refuge à Allah, alors donnez-lui la protection. Et celui qui vous invite, alors répondez à son invitation. Et celui qui vous fait quelque chose de bien, alors remettez-lui le bien qu'il vous a fait, et si vous ne trouvez rien à lui donner en retour pour le bien qu'il vous a fait, alors faites des du'as pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous avez fait suffisamment pour le récompenser ou pour lui remettre le bien qu'il vous a fait. Ça c'est rapporté par Abu Daoud wa Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est authentique. Et le cheikh il explique donc ce chapitre. Le cheikh Al-Fawzan il explique. قال الشيخ رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله لأن فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وهو من كمال التوحيد. أما إذا رد السائل بالله ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى وفي رده نقص في التوحيد. والسؤال بالله جائز. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وفي هذا الحديث من سأل بالله فأعطوه فدل على جواز السؤال بالله. ولكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالا لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce livre, lorsqu'il dit chapitre, le chapitre qui parle du fait qu'on ne doit pas refuser ou repousser celui qui demande quelque chose par Allah, ça c'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par respect pour Allah, on ne doit pas lui refuser parce qu'il nous demande par Allah. D'accord. Et le cheikh dit que ça fait partie de qu'est-ce qui vient perfectionner notre tawhid et qui vient le parfaire notre tawhid, parce qu'on montre du respect envers la personne qui nous demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala ou au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit celui qui refuse à la personne qui te demande par Allah, alors c'est comme s'il y a une sorte de mauvais comportement envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également dans ça il y a dans ça un genre de d'imperfection dans notre tawhid si on repousse la personne qui nous demande par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui nous demande quelque chose par Allah, on ne doit pas lui refuser par respect pour Allah. Et il faut comprendre ici que le fait que quelqu'un demande par Allah, il y a quelque chose de plus particulier. Si quelqu'un nous demande simplement comme ça, en nous demandant quelque chose, c'est pas pareil que quand quelqu'un nous demande en disant « je te demande par Allah ». C'est quelque chose de plus encore. Donc le chef nous dit ici « wa qawluhu man sa'ala billah » là il va expliquer le hadith pièce par pièce, morceau par morceau. Il dit « qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala billah ka'an yaqul as'aluka billah » وهذا معناه الاقسام بالله عز وجل كأنه قال والله لا تعطيني هذا الشيء لأن الباء باء القسم فإذا قال أسألك بالله أي أقسم عليك بالله لتعطيني كذا وكذا أو لا تعطيني كذا وكذا فأعطوه وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله فظاهره الوجوب ولكن هذا فيه تفصيل إذا سأل بالله شيئا له فيه حق كالذي يسأل من بيت المال فكل مسلم له حق في بيت المال وإذا سأل بالله وجب إعطاؤه وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطرا وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته وإن لم تعطيه فقد عصيت الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. Donc le cheikh il dit la signification de la parole quand on dit celui qui demande par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si quelqu'un disait je te demande par Allah, c'est-à-dire je jure par Allah. Donc c'est comme si tu disais par Allah ou je jure par Allah que tu vas me donner cette chose. Et donc pourquoi? Parce que le ba, quand on dit billah, c'est un ba du serment. En arabe, il y a trois façons pour faire un serment ou pour jurer. C'est de dire soit que tu dis billah ou tallah. C'est Allah wa billah wa im Allah. En tout cas, il y a différentes formes pour jurer. Si je me souviens bien, il y a trois formes pour al-qasam. C'est le ba, le ta, puis il y en a une autre, mais j'ai oublié. Bon. Le cheikh, il dit, sa signification, c'est que tu demandes à quelqu'un, puis c'est comme si tu jures par Allah. À la personne. Je te jure par Allah que tu dois me donner telle ou telle chose. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un vous demande par Allah, donnez-lui. Ça veut dire, en apparence, c'est que quelqu'un qui te demande, tu dois lui donner obligatoirement. Et c'est une obligation de lui donner. Mais, il y a des détails à ce sujet-là qu'il faut bien comprendre. C'est que si quelqu'un te demande quelque chose dans lequel il a un droit sur toi, quelqu'un te demande quelque chose dans lequel il a un droit sur toi, dans ce cas-là, tu dois lui donner. En particulier, si ça fait partie, par exemple, de Baytul Mal. Qu'est-ce qu'on appelle Baytul Mal? C'est que dans un pays musulman, il y a un endroit où tous les butins et tous les choses qui sont, tirées de butins et autres, sont mis dans cet endroit-là, dans cette maison-là, ou dans cette caisse-là, et s'il y a des musulmans qui ont un besoin, ou qui ont des difficultés, ou qui ont quelque chose, ils peuvent aller à cet endroit-là, et ils demandent de l'argent, et on les aide. Donc, ça c'est ce qu'on appelle « baytul mal ». Donc, le cheikh dit, si quelqu'un vient et puis demande de son droit dans « baytul mal », on doit lui donner. Pourquoi? Parce que c'est le droit de tout musulman de prendre Baytul Mal, de prendre de l'argent dans Baytul Mal. Et donc s'il demande par Allah, dans ce cas-là c'est obligatoire de lui donner. Et si quelqu'un vient à toi te demander quelque chose et il fait partie des gens qui sont dans une nécessité, soit qu'ils ont besoin de nourriture, soit qu'ils ont besoin de vêtements pour se couvrir, et qu'il est vraiment en besoin, dans ce cas-là, si toi tu as quelque chose en surplus, hein, que tu es capable de lui donner, dans ce cas-là ça devient obligatoire pour toi de lui venir en aide et de l'aider dans son besoin. Et Annie, dans le but de l'aider à repousser cette nécessité qu'il a en lui-même. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si tu lui dis pas, si tu lui donnes pas ce qu'il t'a demandé dans ce cas-là, quand il a un besoin, alors dans ce cas-là, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un hadith qui a été rapporté, dans ce qu'on a mentionné plus tôt, au sujet de l'homme qui était aveugle, l'homme qui était chauve et l'homme qui était lépreux. Et on avait dit, abras, ça veut dire soit lépreux ou bien, c'est quoi le mot? Albinos, hein, c'est ça. Parce que si tu regardes dans le dictionnaire, j'ai vérifié le mot après, et abras, ça veut dire lépreux et ça veut dire aussi albinos, ça veut dire les deux. D'accord? Donc, le chef il dit que dans le cas de ces trois personnes-là qui sont venues pour demander, qui ont demandé à l'ange quelque chose, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ils reçoivent qu'est-ce qu'ils ont demandé. Plus tard, quand l'ange est revenu, il a pris l'apparence d'un homme qui était dans le besoin. Et il est venu puis il leur a dit, Yanni, est-ce que tu peux me donner de qu'est-ce que Allah t'a donné, et ainsi de suite. Et par la suite, il y en a deux parmi eux qui ont refusé de donner, puis il y en a un autre, un troisième, qui a accepté, c'était l'aveugle. Il a donné et Allah lui a laissé garder tout ce qu'il avait, tout ce que Allah lui avait donné, il a laissé garder tout ce qu'il avait. Donc ça montre que lorsque quelqu'un qui a une nécessité, qui vient te demander quelque chose et que toi t'en as en surplus, hein, dans ce cas-là c'est une responsabilité pour toi de lui donner, et si tu ne lui donnes pas, dans ce cas-là, tu as fait un péché, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On va y revenir après, le cheikh il explique ça. Non, mais dans le cas du nécessiteux, même s'il ne dit pas par Allah, tu dois lui venir en aide, parce qu'il est dans le besoin. Le cheikh il dit, حتى إنه إذا كان مضطرا فإن له الحق في أن يأخذ من مال غيره ويدفع ضرورته. Donc le cheikh il explique ça. فقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سألا في حالة ضرورة ولم يعطيا فسأل المضطر والمحتاج فسؤال المضطر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله له فإن لم يبذله فقد عصى الله حتى إنه إذا كان مضطرا فإن له الحق في أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورته أما إذا سأل شيئا ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه فإن لم يعطيه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. Donc le cheikh il dit que si par exemple quelqu'un est vraiment dans la nécessité, il a dans ce cas-là le droit de prendre des biens de quelqu'un d'autre, ce qui va repousser sa nécessité, ce qui va enlever de lui sa nécessité. Barakallahu fik. Donc c'est ça. Donc après le cheikh il dit ومن استعاذ بالله فأعيذوه استعاذ طلب العوض وهو اللجوء فمن استعاذ بالله من شرك فإنه يجب عليك أن تعيذه ولا يجوز أن لا تعيذه من دعاكم أي طلب منكم حضور مناسبة عنده كأن دعاكم مثلا إلى حضور الطعام وليمة فإنه يجب عليكم الإجابة إلا إذا كان هناك مانع لأن هذا من حق الأخوة. Donc le cheikh il dit que celui qui vous demande la protection, alors protégez-le. Celui qui vous demande la protection par Allah, alors protégez-le. Comme quelqu'un par exemple qui vous demande la protection contre le shirk, alors vous devez lui venir en aide et le protéger contre ce mal. Si je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire le shirk, si quelqu'un vous demande la protection contre un shirk, mais un shirk, alors venez lui en aide. Mais peut-être que c'est une faute de frappe ici, c'est qu'en réalité c'était une charte, c'était quelque chose de mal, c'est qu'on a mis un... Ouais, ou bien... Ici, il y a pas, c'est pas marqué charek, donc c'est marqué shirk. Moi, ça veut dire qu'en principe, si quelqu'un te demande protection contre quelque chose, tu dois lui venir en aide, d'accord? Ou si quelqu'un, par exemple, vient pour te faire du mal, et puis tu demandes la protection d'Allah, hein, contre cette personne-là, alors il doit te laisser en paix. Il ne doit pas t'offenser, wallahu a'lam. Donc, le chef ici, après, il dit quoi? Il dit aussi que dans le hadith, à la suite, ça dit, celui qui vous invite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui vous invite dans une occasion quelconque, alors vous devez accepter son invitation. Et il dit, si quelqu'un vous invite, par exemple, à venir partager le repas d'une noce, quand quelqu'un s'est marié, alors vous devez répondre à l'invitation et répondre à cette invitation-là. Acceptez si vous avez un empêchement, parce que de répondre à l'invitation pour le walima, ça fait partie des droits de la fraternité qu'un musulman a envers son frère. D'accord? Et le cheikh ensuite il dit « وظاهر الحديث عام في كل دعوة ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس أما ما عداها من الولائم فيستحب حضورها أما وليمة العرس فيجب حضورها لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء وقال من لا يجب من لا يجب أو من لا يجب نعم من لا يجب فقد عصى الله ورسوله الشاهد في قوله عصى الله ورسوله فدل على وجوب الحضور لولائم الزواج وإن لم يحضر من غير عذر يكون آثما أما إذا كان هناك عذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنه لا يحضر لأن هذا مانع من إجابة الدعوة فإن كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضور حتى إن الصائم وجب عليه الحضور ولكن إن كان صيامه واجبا فإنه يدعو وينصرف وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف الشيخ الزي ك en apparence le hadith est général pour toute forme d'invitation peu importe dans quelle occasion on t'invite. Mais les ulama, ils disent que de façon spécifique, c'est l'invitation à une noce qui est obligatoire. C'est-à-dire que c'est obligatoire de répondre à l'invitation pour une noce en particulier. Parce qu'il y a, à ce sujet-là, des hadiths qui mentionnent l'obligation. Toutefois, les autres occasions, autres que les noces ou les mariages, on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Si on ne veut pas y aller, mais c'est recommandé d'y aller quand même. Le cheikh il dit qu'en ce qui concerne la fête de la noce, dans ce cas-là c'est obligatoire d'y aller parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pire nourriture à laquelle on peut être invité, c'est la nourriture. Le cheikh il dit la pire nourriture c'est celle à laquelle on invite uniquement, la pire nourriture est la nourriture d'un walima à laquelle on invite seulement les riches et on repousse les pauvres. Hein? Donc si quelqu'un fait un walima par exemple, il invite seulement des gens qui ont de l'argent, des invités riches, puis les pauvres il les laisse dehors pendant que les riches mangent, ça c'est la pire nourriture. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne répond pas à l'invitation de la walima, il a désobéi à Allah et à son messager. Et le point dans ce hadith-là qui est important, c'est qu'il a désobéi à Allah et à son messager. Et donc ça, c'est la preuve de l'obligation d'assister à la fête de mariage lorsqu'on est invité dans une fête de mariage ou une walima en arabe. Le cheikh dit, mais si on n'assiste pas, sans excuse, on n'a pas d'excuse pour pas y aller, on a fait un péché dans ce cas-là, mais si on n'est pas allé parce qu'on avait une excuse, dans ce cas-là, on est excusé. C'est-à-dire, on n'est pas dans le péché parce qu'on n'est pas allé, parce qu'on avait une excuse valable. Et, par exemple, il y a des excuses qui sont valables à ce sujet-là, le fait de ne pas aller dans une fête de mariage. Si, par exemple, à l'endroit où on va aller pour la fête de mariage, on sait qu'il va y avoir des choses qui sont interdites dans l'islam. Comme par exemple, si tu sais que dans cette fête de mariage, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la mixité, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir d'autres formes de péché de ce genre, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de répondre à cette invitation-là, c'est interdit d'y aller. Mais si tu ne le sais pas, tu arrives là-bas et tu vois ces péchés-là, dans ce cas-là, tu dois sortir, tu dois quitter le mariage, à moins que tu saches que tu es capable d'interdire ce mal. Quand tu vas rentrer, tu vas arriver là-bas, les gens vont t'écouter, ils vont dire par exemple, ah celui-là, on l'a invité et c'est un invité d'honneur, donc si tu arrives là-bas, puis que tu dis, soit vous arrêtez tout ça, ou bien moi je m'en vais, là peut-être qu'ils vont être gênés, puis ils vont être obligés de cesser de faire ces péchés-là, donc dans ce cas-là, c'est obligé pour toi d'assister et d'aller interdire le mal. Toutefois, si tu n'es pas capable de l'interdire, ou si tu l'interdis et que personne t'écoute, dans ce cas-là, ton obligation, c'est de t'en aller. Et donc, c'est ça l'important. Le cheikh Ibn Uthaymeen, il a donné un exemple à ce sujet-là même une fois dans un de ses cours, et il disait que lorsque tu vas à un mariage et que tu arrives et que tu vois qu'il y a des péchés comme ça, hein, si par exemple c'est un savant de l'islam et tout, lui, ça devient obligatoire encore plus pour lui de s'en aller lorsqu'il y a ces péchés-là. Parce que les gens vont prendre de lui un exemple. Et donc, s'il reste à cet endroit-là, eh ben, les gens vont prendre cet homme-là, ce qu'il fait comme un exemple et comme un modèle, et puis ils vont dire, si lui, il reste, dans ce cas-là, c'est permis de rester. Donc, le cheikh, il disait, dans ce cas-là, c'est encore plus important pour lui qu'il quitte cet endroit-là. Et quand il va quitter, bien entendu, ça va avoir un gros impact du fait qu'il n'est pas resté. Toutefois, il y a souvent des chouyoukhs soufis parmi les gens de Bid'a qui, quand ils vont dans des fêtes comme ça, eh bien, ils veulent justement faire plaisir aux gens et ils vont justement participer à tous ces événements-là, ces occasions-là, même s'il y a des péchés dedans, et puis ils vont rien dire sur qu'est-ce qui est haram, et même comme le frère il dit, peut-être même ils vont danser, nasallallahu al-afiyah. Et déjà, moi ça m'est arrivé, je suis allé dans une walima une fois, puis malheureusement il y avait des soufis là-bas, puis ils ont commencé à battre le tambour, puis à chanter, et je leur ai expliqué que ça c'est uniquement permis entre les femmes, les petites filles qui chantent le jour du walima, ça c'est permis, mais c'est pas permis pour les hommes entre eux. C'est uniquement pour les femmes entre elles. Et au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les filles qui tapaient le douf le jour du walima. Ça, c'est permis entre les femmes, mais pas pour les hommes et pas entre les hommes. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre ce point-là. Après, le cheikh, il dit, ensuite de ça, si la personne est en train de jeûner, lorsqu'il est invité à ce walima, donc s'il est en train de jeûner, il a le droit de briser son jeûne et puis de venir à l'invitation. Ouais. Il dit hatta sa'im yajib alayhi al-hudur. Même le jeûneur, celui qui jeûne, il doit obligatoirement venir. Il a le choix. Si c'est un jeûne qui est obligatoire de venir, mais même s'il jeûne, il fait un dua pour la personne et puis il s'en va. Il ne mange pas parce qu'il jeûne un jeûne obligatoire. Toutefois, si c'est un jeûne qui est recommandé seulement, il a le choix de briser son jeûne ou de compléter son jeûne, de faire un dua puis de s'en aller. D'accord? Mais il doit quand même venir parce qu'il est invité. Donc il vient, il fait un dua pour la personne, puis il part. Après le cheikh il dit وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ يعني من أحسن إليكم بإحسان مالي أو عملي أو قولي والمعروف ضد المنكر والمراد به هنا الخير يعني من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك فكل هذا من المعروف فإنه يجب عليك أن تكافئه بمعنى أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك وتقابل إحسانه بالإحسان وهذا من باب المكافأة من ناحية وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى لأنك لو لم تكافئه لو لم تكافئه بقي له منة عليك ورفق منك له. Donc le cheikh il dit, et la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque vous fait quelque chose de bien, ou quelque chose de bon, alors récompensez-le. Quelqu'un qui vous fait quelque chose de bien, récompensez-le. Et le cheikh explique ça, c'est en disant que si quelqu'un vous fait quelque chose de bien, peu importe la catégorie de bien qu'il vous fait, que ce soit un bien en argent ou en matériel, ou que ce soit un bien dans les actions, ou que ce soit un bien dans les paroles, peu importe quel bien qu'il vous fait, vous devez lui remettre ce bien-là, et le contraire du bien, ou du mot « ma'rouf » en arabe, c'est « munkar », le mal, « munkar », et le chef il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par le « ma'rouf », c'est le bien. Donc, celui qui vous fait un bien quelconque, peu importe avec de l'argent, ou avec sa position, ou avec une parole, une bonne parole qu'il vous dit, peu importe qu'est-ce que c'est comme bien, qu'est-ce qu'il vous fait, vous devez obligatoirement lui le récompenser pour ce bien-là. Non. Donc, le cheikh il dit, بِمَعْنَا أَنْ تَفْعَلَ لَهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِثْلَ مَا عَمِلَ لَكَ. Non. Donc, que tu lui fais du bien comme il t'en a fait du bien à toi. Et tu lui remets le bien par le bien. Hein? Mimbab al-Mukafa, d'un côté, c'est pour lui remettre le bien qu'il t'a fait, et d'un autre côté, c'est pour couper la faveur qu'il a sur toi. C'est pour couper la faveur qu'il a sur toi. Parce que quand quelqu'un te fait un bien, ça veut dire que là maintenant, tu lui dois une faveur. Donc pour couper cette faveur-là, tu lui remets le bien, comme ça tu lui dois rien. Tu ne dois plus rien, tu n'as plus de faveur envers lui, et en même temps, lui, il n'a plus de pouvoir sur toi, il n'a plus de faveur sur toi. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, même si quelqu'un, il dit, وَحَتَّى وَلَوْ كَانَ صَانِعُ الْمَعْرُوفِ كَافِرًا فَإِنَّكَ تُكَافِئَهُ عَلَى مَعْرُوفِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمِنْ بَابِ قَطْعِ الْمِنَّةِ وَمِنْ بَابِ جَزَاءِ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا في الكافر الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه فالمسلم يكافئه بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه ولا يكون منه رق للكافر لأن هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل فإذا رأى الكافر من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام. Le cheikh il dit, même si la personne qui te fait un bien c'est un non-musulman, même si c'est un kafir, tu dois lui remettre le bien qu'il t'a fait. Tu dois le récompenser pour le bien qu'il t'a fait. Et que ça, ça fait partie du bon comportement de l'islam. Et ça fait partie aussi du fait que tu coupes la faveur que tu dois à cette personne-là, et ça fait partie également de remettre un bien par un bien. Donc le cheikh il dit, le verset 60 dans Surat al-Rahman, est-ce qu'il y a une récompense pour le bien autre que le bien? Et il dit également le verset 8 dans Surat al-Mumtahana, Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'avoir de la justice envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les justes. Certes, Allah aime les justes. Donc, ce genre de kafir, il est bon de lui remettre le bien qu'il t'a fait. Il est bon de lui remettre le bien qu'il t'a fait, même que c'est quelque chose qui vient encore plus se confirmer par rapport aux mécréants, par rapport aux kafirs, du fait que le musulman doit remettre le bien au kafir. Pourquoi? Pour lui remettre le bien qu'il t'a fait et pour qu'il n'ait plus aucune faveur sur toi et aucun pouvoir sur toi, qu'il ne puisse pas venir te dire par la suite, je t'ai fait quelque chose de bien, hein, parce que tu lui as remis le bien qu'il t'a fait, et donc tu ne lui dois plus rien comme faveur. Et non seulement ça, mais en plus de ça, ça fait partie de l'invitation des gens à l'islam, du fait que tu le traites avec gentillesse, comme il a été bon envers toi, tu es bon envers lui, et ça, ça fait partie du bon comportement de l'islam. Et lorsque le kafir voit des musulmans ce bon comportement-là, hein, et cette attitude noble, eh ben, automatiquement, ça va inciter ces gens-là à se rapprocher de l'islam et à vouloir rentrer dans l'islam. Le cheikh il dit, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ أي ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق حتى تروا بضم التاء حتى تروا يعني تظنوا يجوز الفتح حتى تروا بمعنى تعلموا فدل هذا على أن المحسن يكافئ على إحسانه أو يكافئ على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. Donc le cheikh il dit, si vous ne trouvez pas de quoi lui remettre le bien qu'il vous a fait, alors dans ce cas-là, faites une invocation pour lui ou un dua pour lui jusqu'à ce que vous ayez su ou jusqu'à ce que vous pensiez que vous avez fait suffisamment de dua pour lui remettre le bien qu'il vous a fait. Et le cheikh il dit donc qu'il y a la preuve dans ça que la personne qui fait du bien doit être récompensée pour le bien qu'il a fait, soit en parole ou soit par une action. D'accord? Et le cheikh il résume tout ce qu'on vient de dire dans le chapitre en cinq points. Il dit Al-mas'alatul ula fihi ma tarjama lahu al-musannif wa huwa la yuraddu man sa'ala billah ولقوله من سألكم بالله فأعطوه لأن في هذا إجلالا لله سبحانه وتعالى الذي سأل به وفي رده إساءة في حق الله تعالى ونقص في التوحيد وإعطاؤه احترام لحق الله تعالى وتكميل للتوحيد. الشيخ الزين كدرس شابت il y a le fait que l'auteur du livre a mentionné que lorsque quelqu'un demande par Allah, on ne doit pas lui refuser ou le repousser. Hein? Et c'est mentionné dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsqu'on vous demande par Allah, alors donnez à la personne qui vous a demandé. Et il y a dans ça du respect, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a ici, dans ce fait-là, du respect pour Allah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a dans ça du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a donc celui qui donne à la personne qui demande par Allah, il y a un respect là-dedans pour la personne qui donne, yani du fait qu'il respecte Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on lui a demandé par Allah. Et lorsque quelqu'un refuse, c'est comme s'il manquait de respect envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a une imperfection ou une faiblesse dans son tawhid. Hein? Et du fait qu'il donne, il y a un respect pour le droit d'Allah et un perfectionnement de son tawhid. المسألة الثانية في وجوب إعادة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد وفي إذاعته إكمال للتوحيد. Donc, dans le point numéro 2, le cheikh dit qu'il y a l'obligation pour le musulman de protéger la personne qui nous demande la protection par Allah. Hein? Celui qui demande la protection d'Allah ou qui demande la protection par Allah, on doit ne pas le toucher avec aucun mal et rien lui faire de mal, parce que si on lui fait du mal dans ce cas-là, on a transgressé quelqu'un qui a cherché la protection d'Allah, et donc il y a dans ça une faiblesse dans notre tawhid, hein, et dans le fait de lui venir en aide et de le protéger, il y a un perfectionnement du tawhid. Dans le point numéro 3, le cheikh il dit المسألة الثالثة فيه وجوب إجابة الدعوة للمسلم فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم لما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة النفرة بين الأخو بين الإخوة. أما إذا لم يجب فيسبب العكس ويسبب النفرة ويسبب التباغض بين الناس والقطيعة. Donc le cheikh il dit dans le point numéro 3, il est obligatoire pour un musulman de répondre à l'invitation de son frère musulman, parce que lorsqu'il va répondre à l'invitation, ça va rapprocher les cœurs et ça va raffermir l'amour et éliminer l'écart et le fait que les gens s'enfuient, hein, les uns des autres entre les frères. Donc ça c'est important et c'est obligatoire de répondre à l'invitation. Celui qui ne répond pas à l'invitation, ça cause le contraire, c'est-à-dire ça va ramener les gens à s'enfuir les uns des autres et à se détester entre eux et à couper les liens entre les frères, et ça c'est quelque chose de très mauvais. Et le chef il dit comme quatrième point, في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير. Quatrièmement, dans le hadith, il y a la preuve que c'est obligatoire de récompenser la personne qui nous fait du bien par un bien qui correspond, ou un bien qui est comparable au bien qu'il nous a fait, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, alors dans ce cas-là, on lui fait un dua pour le bien qu'il nous a fait. Et cinquièmement, c'est le hadith, النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. Le cheikh dit que le cinquième point, c'est que dans le hadith, il y a la preuve que c'est interdit de ne pas remettre le bien à la personne qui nous a fait un bien quelconque, et que ça fait partie des caractéristiques d'une personne qui est avare ou qui est pingue, et ça ne correspond pas au comportement d'un musulman. Ensuite, le cheikh il mentionne dans le chapitre 56, al-bab al-sadis wal-khamsoun, bab la yus'alu biwajhi Allah illa al-jannah. C'est-à-dire le chapitre qui traite du sujet que on ne doit pas demander quoi que ce soit par le visage d'Allah, excepté le paradis. Ça veut dire, si tu demandes quelque chose par le visage d'Allah, tu ne dois pas demander par le visage d'Allah, excepté son paradis, pas d'autre chose que le paradis. Tu peux demander d'autres choses à Allah, mais quand tu demandes par son visage, tu ne dois pas demander autre chose que le paradis. Et il mentionne un hadith à ce sujet-là. Le hadith n'est pas authentique, d'accord, mais le cheikh il le mentionne parce que c'est, comme le cheikh il nous dit à la fin, que il y a d'autres hadiths et d'autres preuves qui supportent ce hadith-là. Même s'il n'est pas authentique en lui-même, il y a d'autres preuves du Coran et de la Sunna qui supportent ce principe-là et cette idée-là. Et c'est rapporté par, selon Jabir, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. Mais c'est un hadith rapporté par Abu Daoud qui dit on ne doit pas demander quelque chose autre que le paradis quand on demande par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ce hadith. Il dit, en premier il explique le chapitre, il donne un petit résumé au sujet de notre aqidah, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit هذا باب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد لأن تعظيم صفات الله عز وجل من تعظيم الله وتعظيمها من باب التوحيد لأنه تعظيم لله سبحانه وتعالى أما عدم تعظيمها فإنه تنقص للتوحيد لأنه تنقص لله الشيخ دي dans ce chapitre que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis dans le kitab al-Tawhid, il y a le fait qu'on doit porter du respect et de l'honneur pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'on doit les respecter ces attributs-là, et que ça fait partie du respect du Tawhid, que de respecter Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et de ne pas respecter les attributs d'Allah, c'est un manque dans notre Tawhid et une imperfection dans notre tawhid et un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajhullah, quand on dit le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le shaykh dit, wa wajhullah, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, sifatun min sifatihi al-zatiyya subhanahu wa ta'ala, tawatarat bi ithbatihi al-adilla fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa ajma'a alayhi ulama' al-sunnati wal-jama'a. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت له وجها ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام وكذلك قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فقوله كل شيء هالك إلا وجهه ومثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والسنة فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى مثل الحديث الذي ساقه المصنف لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ومثل حديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرها علماء السنة والمصنفون في العقائد الذين يسوقون الآيات والأحاديث مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة للآجري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها من الكتب المؤلفة في التوحيد كلهم يذكرون النصوص الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى الصفات الذاتية كالوجه واليدين والصفات الفعلية كالاستواء والنزول إلى سماء الدنيا وغير ذلك من صفات الأفعال. Donc le Cheikh il dit que le visage d'Allah c'est une de ses attributs qui fait partie de son être et donc c'est quelque chose qui est rapporté de façon mutawatira. Qu'est-ce que ça veut dire mutawatira? Ça veut dire que il y a tellement de gens qui l'ont mentionné, qui l'ont rapporté, que personne ne pourrait prétendre que c'est quelque chose sur lequel tout le monde, tous ces gens-là se sont mis d'accord, que c'est pour mentir, par exemple. Hein? Donc, at-tawatur, c'est la description d'un hadith, ou d'une parole, ou de quelque chose, une information quelconque, qui est rapportée par un très très très très grand nombre de personnes. Et donc, l'attribut du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ce genre de choses-là, qui sont rapportées par un très grand nombre de personnes. Donc personne ne peut en douter ou le remettre en question. Et c'est rapporté dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama d'Ahl sunnati wal jama'a sont tous d'accord pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Et il y a les preuves de ça comme le verset 26 et 27 dans Sourate Ar-Rahman. Tout ce qui existe sur la terre va périr. Tous ceux qui vivent sur la terre vont périr et il n'y aura rien qui va rester que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, plein de noblesse et de majesté. Ça c'est le verset 26 et 27 dans Surat Ar-Rahman. Ensuite, donc là il y a la preuve que Allah s'est affirmé pour lui-même l'attribut d'avoir un visage et que ce visage il est décrit par avec la description de Al-Jalal et Al-Ikram, hein, la majesté et la noblesse, hein. Non. Et il y a l'autre verset qui est mentionné dans le verset, dans sourate Al-Qasas, le verset 88, qui dit « Kullu shay'in halikun illa wajha » Tout va périr excepté son visage. Hein? Et donc, ça c'est le verset dans sourate Al-Qasas. Lahu al-hukm, hein, wa ilayhi turja'un. C'est à lui qu'appartient le jugement et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et donc, le verset qui dit « Kullu shay'in halikun illa wajha » et le verset « Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » les deux ont la même signification. C'est-à-dire qu'un jour, Allah va tout détruire et il n'y a rien qui va rester excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne son visage pour dire qu'il va rester et pour montrer la noblesse et la majesté de son visage, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit qu'également, il y a les preuves de ça dans la sunna, parce qu'il y a des gens de bid'a, parmi les Asha'ira, les Mu'tazila et les autres, qui nient cet attribut-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils refusent de dire que Allah a un visage tel qu'il s'est décrit lui-même, et ils cherchent à l'interpréter par autre chose, ou déformer le sens. Donc eux, ils disent que l'attribut du visage, ça signifie l'attribut de l'être. Ça veut dire que c'est l'être en soi, c'est pas le visage. Donc, ils disent que al-wajh huwa dhat. Et bien entendu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit avec un visage, et on sait très bien que le visage c'est quelque chose de plus que l'être. Hein? Et donc, qu'on doit l'affirmer tel qu'il est, comme les salafs l'ont affirmé, et comme Allah l'a affirmé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé dans la sunna. Et parmi les hadiths qui prouvent l'affirmation de cet attribut-là, il y a le hadith que le cheikh mentionne dans ce chapitre-là, qui dit qu'on ne doit pas demander à Allah accepter son paradis, malgré que c'est un hadith qui est daïf, mais il y en a beaucoup d'autres hadiths qui supportent ce hadith-là, comme par exemple, un autre hadith que le cheikh mentionne, « Je cherche refuge en la lumière de ton visage, hein, qui éblouit les ténèbres. » Donc ça c'est un hadith à ce sujet-là, puis il dit qu'il y a beaucoup d'autres hadiths dans ce sens-là. « Ashraqat al-Zulumat » qui a ébloui les ténèbres, hein, qui a rempli les ténèbres de lumière, qui a rempli les ténèbres de lumière. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé cet attribut-là dans le Coran et dans les hadiths. Et il y a beaucoup de livres de Aqidah écrits par les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah qui mentionnent cet attribut-là dans leurs livres. Et beaucoup d'autres parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le livre At-Tawhid, Kitab At-Tawhid de l'imam Ibn Khuzaymah. Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzaymah, qui est un des imams parmi les imams des salaf, qui est mort en 333 Hijri. Et on l'appelle Cheikh al-Islam, hein. Cheikh al-Islam à son époque. 333, l'imam Ibn Khuzaymah, hein. Et, également, le livre de l'imam al-Ajurri, qui s'appelle al-Sharia. Le cheikh ici, dans le livre, c'est marqué al-Sunnah, mais, bien entendu, c'est pas al-Sunnah, c'est al-Sharia, écrit par l'imam Al-Ajurri. Et il y a également le livre As-Sunnah, écrit par l'imam Ibn Abi Asim, et beaucoup d'autres livres avec ces genres de titres-là qui clarifient et qui expliquent ces principes-là. Le cheikh, il dit que tous ces livres-là sont écrits sur le Tawhid, et tous ces livres-là mentionnent les textes qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les attributs qui font partie de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa personne, comme son visage et ses mains, ou bien les attributs qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle as-sifat al-fi'liyah, comme le fait que Allah s'élève au-dessus de son trône, ou le fait qu'il descend au dernier des cieux, à la fin au dernier tiers de la nuit. Tout ça font partie des attributs des actions. D'accord? Il y a les attributs des actions, et il y a les attributs de l'être. Ok? Les attributs de l'être sont des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala, qui font partie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont éternels, qui sont éternellement avec lui, qui n'ont pas de début ni de fin avec lui. Tandis que les attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs qui sont éternellement avec lui également, sauf qu'ils sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. Hein? Ils sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. D'accord? Donc c'est ça la différence entre les attributs de l'être et les attributs des actions. Hein? Et le cheikh il dit, فالوجه من الصفات الذاتية وهو أعظمها ولكن مع العلم واليقين والقطع بأن صفات الله ليست كصفات خلقه فالله له وجه والمخلوق له وجه والله له يدان والمخلوق له يدان والله جل وعلا له سمع وله بصر والمخلوق له سمع وله بصر ولكن صفات الله جل وعلا لا جل وعلا لائقة به وبعظمته وصفات المخلوقين تليق بهم وتليق بهم وبخلقتهم فلا تشبه فلا تشبه صفات المخلوقين صفات الخالق جل وعلا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون ولن يكن له كفوا أحد كل هذه كل هذا ينفي المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق فلا تشابه وإن اشتركت في المعنى فإنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة donc le cheikh ici il explique que le visage d'Allah on doit l'affirmer et ça fait partie des attributs de l'être qui font partie de l'être d'Allah SWT et de sa personne toutefois on les affirme en sachant et en ayant la connaissance et la conviction que les attributs d'Allah ne sont pas comparables aux attributs de sa création. Les attributs d'Allah ne sont pas comparables aux attributs de la créature. D'accord ? Il n'y a pas de comparaison entre le créateur et la créature. Et le chef, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, et la créature, il a un visage. Allah, il a deux mains, et la créature, il a deux mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une ouïe et il a une vue, hein, une vision, et la créature, il a une ouïe et une vision. Toutefois, les attributs d'Allah correspondent à la grandeur et à la majesté, et la perfection d'Allah, et les attributs de la créature correspondent à la créature et à la réalité des créatures. Elles ne sont pas donc comparables. Hein. Et c'est comme j'avais donné l'exemple une fois, le cheikh Ahmed al-Najmi, il a dit, Les êtres humains ils ont un visage et les animaux ils ont un visage aussi. Est-ce qu'on va dire que le visage des animaux est comparable au visage des êtres humains? Non. Et la preuve, si je te dis par exemple que si quelqu'un te disait t'as un visage de singe ou t'as un visage de chien, tu considérerais ça comme une insulte. Hein? Donc c'est la preuve que le visage d'un être humain et le visage d'un animal, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et donc, il y a encore moins de comparaison entre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et le visage d'une créature parmi les créatures. Et donc, ça c'est un exemple que le cheikh Ahmed al-Najmi a donné, et je pense que ça nous aide bien à comprendre ce point-là. Et les preuves qu'il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, il y a les versets 11 par exemple dans Surat Shura qui dit « Allah, il n'y a rien qui lui ressemble, alors que c'est lui ». Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui, et c'est lui qui est l'audient et le voyant. D'accord? Donc dans ce verset, il y a l'affirmation et la négation de la ressemblance. L'affirmation de l'attribut et la négation de la ressemblance. Et il mentionne le verset 65 dans Sourate Maryam. Est-ce que vous lui connaissez un pareil, quelque chose qui est semblable à lui? Samiyam. Et le verset 22 dans Sourate Al-Baqarah. Et ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez. Et le verset dans Surat Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Le cheikh il dit, il y a dans ça la négation de toute ressemblance et de toute comparaison entre les créatures, entre les attributs de la créature et les attributs du créateur. Donc il n'y a pas de ressemblance, même s'il y a les significations qu'ils ont quelque chose en commun, et après ils ont un cours d'arabe, hein? Non, il n'y a pas de problème. Donc même s'il y a une comparaison dans la signification, il n'y a pas de comparaison dans la réalité et dans le comment et la description de ces attributs-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ressemblance est seulement dans la signification des attributs, mais pas dans leur réalité, et pas non plus dans leur description et dans leur commun, dans le commun. Parce qu'on ne connaît pas le commun de des attributs d'Allah. Le Cheikh il dit, وَمَنْ شَبَّهَ اللَّهُ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرْ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ كما قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري وغيره من علماء السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر لأن الله تعالى يقول وهو السميع البصير ويقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت له الوجه فمن نفى ما أثبته الله لنفسه فهو مكذب لله ويكون كافرا بالله عز وجل لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق. Donc le Cheikh dit que quiconque a fait une ressemblance entre Allah et sa création, il a fait quelque chose qui est kufr, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la réponse à ceux qui, parmi les Ahbash, et parmi les Asha'ira, et les autres parmi les Mubtadi'a de cette catégorie-là, qui disent que les Salafis, ou les gens qui suivent la voie des Salafs, ou ceux qui prétendent être des Wahhabis, ou des Wahhabites comme ils les appellent, que ce sont des gens qui font des ressemblances, ou qui sont des anthropomorphistes, ou qui font des ressemblances entre Allah et sa créature, ça c'est la réfutation de ces gens-là. On ne fait pas de ressemblance et de comparaison entre le Créateur et la créature. Hein? Et en fait, c'est eux qui sont en train de faire ressembler Allah à le néant. Parce qu'ils disent que Allah ne ressemble, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attributs. Hein? Ou bien qu'ils nient le sens réel de ces attributs-là. Hein? Et quand on nie le sens réel des attributs, ça équivaut à nier leur réalité. Et quand on nie la réalité des attributs, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui n'a pas d'attribut, qu'est-ce qui n'a aucun attribut, c'est quoi? C'est le néant, hein? Quelque chose qui n'a aucune description, aucun attribut, qui n'est pas en haut, qui n'est pas en bas, qui n'est pas à gauche, qui n'est pas à droite, qui n'est pas à l'intérieur du monde, qui n'est pas à l'extérieur du monde. Ça veut dire que c'est rien. Et ça, c'est la description du néant. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, les gens de Ta'til, ils adorent le néant. Et les gens de Tashbih, ils adorent une idole. Hein? Les gens du Tashbih, ils font ressembler Allah à la création, donc ils adorent une idole. Et les gens du Ta'til, qui nient les réalités des sens des attributs d'Allah, ils adorent le néant. Donc ça c'est important, de bien réfuter ces gens-là et de bien leur faire comprendre que quiconque fait ressembler Allah à sa création, hein, il a mécru. Il a rejeté la foi. Et celui qui rejette ce que Allah s'est décrit par lui-même, par les choses par lesquelles il s'est décrit lui-même, il a mécru également. Et c'est étonnant de voir que les Asha'ira, ils disent qu'ils sont en train de déclarer que les Salafis font du tashbih, qu'ils font ressembler Allah à sa création, et que on fait de l'anthropomorphisme, alors que la plupart d'entre eux, qui sont des soufis, et parmi leurs aqidah, parmi leurs croyances, il y a la croyance en Wahdatul Wujud, et il y a la croyance que tout est Allah et que Allah est tout. Hein, donc ils mélangent le Créateur et la créature, ils disent qu'il n'y a pas de distinction entre le Créateur et la créature, ça c'est de un. De deux, ils décrivent leur chuyot avec des attributs divins, hein, comme leur awliya. Ils disent que leur awliya et le Qutb et le Raut a des attributs de connaître l'invisible et qu'il peut créer et qu'il peut faire des choses de ce genre et qu'il peut faire tomber la pluie et qu'il peut faire vivre et mourir, et ils disent que ça c'est les attributs de leur chouyot, hein, et ils vont, c'est pour ça qu'ils vont après leur mort leur demander de l'intercession ou leur demander de les guérir ou de leur donner des choses parce qu'ils croient qu'ils ont un contrôle sur l'univers et ils les appellent Rijal al-Ghayb, les hommes de l'invisible. Donc ça c'est une forme de shirk et une forme de ressemblance de tashbih entre le Créateur et la créature, et ça c'est kufr. Et eux ils le font, mais ils ne veulent pas l'admettre, hein, et ils accusent les salafis de faire du tashbih. alors que c'est eux qui font le tashbih. Donc, comme les ulama des salaf l'ont dit, comme Nu'aym ibn Hammad, qui était le cheikh de l'imam al-Bukhari, un des professeurs de l'imam al-Bukhari, parmi les milliers de shuyukh que l'imam al-Bukhari a eu, un d'entre eux s'appelle Nu'aym ibn Hammad. Et lui, il a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa création, il est kafir. Et celui qui nie les descriptions qu'Allah a fait de lui-même, il est kafir aussi. Donc les deux sont kuffar. Et il dit par la suite, la preuve de ça, c'est que Allah, il dit que rien ne lui ressemble. Donc quiconque rejette ce que Allah a décrit à propos de lui-même, il a mécru, parce que Allah, il dit, il est l'audient et le voyant. Et il dit que, également, Allah, il dit, et le visage, le visage d'Allah va demeurer éternellement. Hein? Et il dit donc que Allah a affirmé qu'il a un visage. Donc quiconque nie ce que Allah a affirmé pour lui-même, alors il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc kafir, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on doit croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination. Et le fait de, par exemple, rejeter la foi en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on reniait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de croire en ses noms et ses attributs, ça fait partie de la foi en Allah. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَهُ وَجْهٌ كَمَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لَا يُشْبِهُ وَجْهَ الْمَخْلُوقِ وَلَا يَدُورُ بخلد المؤمن أو في ظن المؤمن هذا الظن السيء وهو المشابهة بين الله وبين خلقه فمن دار بخلده ذلك فإنه يكون ناقص الإيمان فإن نفى ما وصف الله به نفسه فإنه يكون عديم الإيمان نسأل الله العافية ولذلك يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد ربا فردا صمدا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est tel qu'il s'est décrit lui-même, et il a décrit qu'il avait un visage et on doit l'affirmer à lui-même. Et toutefois on ne fait pas ressembler son visage au visage des créatures, et on ne doit pas essayer d'imaginer dans notre tête non plus comment il est le visage d'Allah. On n'a pas le droit. Hein? Et il ne faut pas imaginer, il ne faut pas penser que si tu es en train d'imaginer quelque chose dans ta tête, que ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une mauvaise pensée, qu'il pourrait y avoir une ressemblance entre Allah et sa créature. Quiconque imagine quoi que ce soit à propos d'Allah dans sa tête ou dans son imagination, alors il a une foi qui est incorrecte. Et celui qui a nié ce qu'Allah a décrit à propos de lui-même, alors il n'a pas de foi. Et on demande à Allah de nous protéger. Et le cheikh, il termine en disant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que les savants disent que celui qui fait ressembler Allah à sa créature, il adore une idole, et celui qui nie les attributs, ou la réalité des attributs d'Allah, il adore le néant. Et le muwahhid, celui qui est réellement sur le tawhid, il adore un maître, un créateur, un seigneur, qui est unique, et qui est, yani samadan, c'est-à-dire que c'est celui vers qui on doit se tourner tous pour l'invocation, et celui qui a besoin de tout, et que lui, celui qui que tout a besoin de lui et que lui n'a besoin de rien, hein, il n'a pas besoin d'eux. Donc le cheikh il explique le hadith en question. Il dit فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله يثبت أن لله وجها ولكن هذا الوجه عظيم يعظم ولا يسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأسماع الدنيا وإنما يسأل به شيئا عظيما يليق بعظمته وهو الجنة لأن الجنة هي أعظم المطالب وهي غاية المطالب فهي شيء عظيم أو ما يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة. في الحديث أسألك الجنة وما يقربها وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيما له أن يسأل به شيء من المحقرات وكل ما دون الجنة فإنه حقير إلا إذا كان يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة فإنه يسأل بوجه الله. Donc on a terminé ce chapitre. Le cheikh il dit que on demande le hadith, dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on demande uniquement par le visage d'Allah le paradis. Et il affirme dans ce hadith-là que Allah il a un visage et qu'on ne doit pas demander autre chose que le paradis quand on demande par le visage d'Allah, par respect pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne doit pas demander à Allah des choses futiles et des choses négligeables ou des choses futiles de la dunya ou des choses de la dunya. On doit demander quelque chose uniquement de grand, comme par exemple le paradis. Il n'y a rien de plus grand que le paradis. Il n'y a rien parmi les choses qu'on peut rechercher de plus grand que le paradis. Hein, ça c'est la plus grande chose. Et on peut également demander par le visage d'Allah tout ce qui nous amène au paradis, parmi les paroles et les actions de bien. Donc comme on voit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à dire « Je te demande le paradis et ce qui rapproche du paradis dans les actions et les paroles. » Et je cherche refuge en toi contre l'enfer, et ce qui rapproche à l'enfer, parmi les paroles et les actions, tu cherches protection contre ça, contre l'enfer, et ce qui rapproche à l'enfer. Donc, on ne doit pas demander par le visage d'Allah, excepté le paradis, par respect pour Allah. Hein, on ne va pas lui demander des choses méprisables, des choses futiles. Le Jannah, le paradis, c'est quelque chose qui est grand. Et tout ce qui est en dessous du paradis, c'est quelque chose de futile en réalité. Sauf qu'est-ce qui nous aide à nous rapprocher du paradis comme les bonnes actions. On peut demander ces choses-là par le visage d'Allah. Donc le cheikh il dit, il y a deux points, hein, fihi mas'alatan, al-mas'alatu al-oula fihi ithbat al-wajh. والمسألة الثانية فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله وكل ما عدا الجنة فإنه حقير فلا يسأل بوجه الله وبقي أن هذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده سليمان بن معاذ وهو ضعيف فهو حديث ضعيف فكيف أورده المصنف هنا فنقول المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة أو الأحاديث الضعيفة التي شواهدها تؤيدها وهذا الحديث له شواهد في إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة. Donc le chef il dit qu'il y a deux points dans ce hadith là. Premièrement, l'affirmation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, l'interdiction de demander quoi que ce soit de futile ou de méprisable par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tout ce qui est en dehors du paradis. On ne doit pas demander rien par le visage d'Allah excepté le paradis. Et il reste à dire que ce hadith est rapporté par Abu Dawood, mais dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Sulayman ibn Mu'ad et il est da'if, c'est-à-dire il est faible. Et donc le hadith est da'if. Et donc pourquoi l'auteur l'a mentionné dans son livre? Le cheikh il dit c'est parce que l'auteur de ce livre, il mentionne, il rapporte comme référence ou comme preuve dans son livre les hadiths qui sont authentiques, les hadiths qui sont acceptables et les hadiths qui sont faibles. Et les hadiths qu'il mentionne qui sont faibles, c'est parce qu'ils sont supportés et il y a d'autres preuves qui les supportent ailleurs. Donc, ce hadith-là, il a d'autres références qui supportent sa signification. Dans, par exemple, l'affirmation du visage d'Allah comme faisant partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça, c'est ce qui vient compléter le chapitre 56, pardon. Et on va donc s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera donc la semaine prochaine, bi'idhnillah, dans notre explication de كتاب التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.